Bonux Automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Oui, il a réussi. En effet, ce linge est plus souple, plus doux, plus blanc. Les dieux font leur lessive avec Olympe qui laisse le linge blanc et les mains douces. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cadeau bonus, je suis votre hôte de ce soir, Spades, et pour m'accompagner, voici Nico. Oui, salut, bonsoir, ce soir on va faire un nouveau cadeau bonus sur les génériques chantés. Tout à fait, et pourquoi ça ? Eh ben parce que c'est un peu le sujet qui nous trotte dans la tête depuis quelques temps. Tout à fait. Et puis tout le monde voulait aller dessus, surtout. Ouais. C'est surtout notre camarade Mikado qui nous a lancé sur le sujet, du fait, dès qu'on lance un verre, il est parti pour le chanter toute la nuit, hein, donc pourquoi ne pas faire une émission là-dessus. Exactement. Il se mord les doigts de pas pouvoir être là ce soir, mais on pense très fort à lui, surtout sur la deuxième partie. On a fait, je pense, un article spécial Mikado Twix. Enfin bon. Tout à fait. Mais avant d'entrer dans le sujet, tout d'abord, il faudrait parler du partenariat que nous avons avec Yannick Bouvet, illustrateur remarquable qui nous gratifie de son travail superbe sur le site, et aussi parler de notre partenariat avec la page Facebook Génération 80 qui vous donne toutes les infos possibles et inimaginable sur tout ce qui tourne autour des années 80. Allez-y, cliquez, likez, parfait. Donc ce soir, nous avons décidé de vous parler de ces génériques chantés, emblématiques des années 80, qui nous restent dans la tête dès qu'on fredonne quelques mesures. Donc dans une première partie, nous allons traiter des génériques de séries télé, et nous continuerons sur les génériques de la honte. Nous aurions pu aussi traiter des dessins animés, mais nous préférons garder ça pour une autre émission, car le sujet est beaucoup trop vaste. Tout à fait. Bah alors, je vais commencer. Hein. Si tu veux. On va commencer par lancer la musique, et après, on vous parle de cette série ultra culte. Exciting and new, come aboard, we're expecting you, and love, life's sweetest reward, let it flow, it floats back to you. Donc, bien sûr, on commence très fort avec The Love Boat, de la série qui s'appelait The Love Boat aux États-Unis, mais La Croisière s'amuse en France. Ça a commencé dans les années 70 aux USA, première diffusion en 77, mais en France, c'est passé forcément sur TF1 et à partir de 1980. Moi, je me souviens surtout du passage sur FR3. Pareil. Ça passait souvent sur FR3 et ça passait longtemps. Hein. Il me semble que vers le milieu des années 90, t'avais La Croisière s'amuse régulièrement. J'ai l'impression que La Croisière s'amuse, c'était la petite maison dans la prairie de France 3. C'est possible, oui. Ils ont sécurisé les droits pendant pas mal de temps. Et malheureusement, ça ne place plus. C'est un truc... ça m'étonne. Parce que je pense que si tu vas dans le fond de la TNT, tu dois pouvoir trouver de la petite maison dans la prairie, mais La Croisière s'amuse a disparu, pas de reboot en prévision, rien. Donc, et voilà. Ça raconte quoi, si tu t'en Alors, ça, on s'en souvient. Alors, c'était une série vraiment série, c'est-à-dire que tous les épisodes étaient absolument identiques. Donc, comment ça se passe? C'est-à-dire que c'est un équipage de bateaux, croisière, voilà, très luxueuse, comme on peut. Là, c'était autour des Caraïbes, a priori, mais c'était comme les croisières Costa, hein, de Sinistre Mémoire. voilà, c'est pas le bon exemple, mais... bah, je vois que ça qui me vient à l'esprit. Des passagers qui se présentent à l'équipage en début d'épisode. Et quel équipage, hein. On se souvient du capitaine Stubbins, du cas qui faisait les cocktails, d'Isaac Washington, le docteur, la petite gamine qui travaille sur un bateau alors qu'elle a à peine 16 ans. Ouais, mais c'est la fille du capitaine. Ouais, mais enfin. tu avais la jolie Julie et Gopher, oui. Le gaffeur. Et donc, ils organisaient des espèces d'histoires d'amour. Alors, il y avait des couples divorcés qui se retrouvaient, des vieilles filles qui trouvaient enfin l'amour. Enfin, c'est assez rigolo. Ça tournait un peu autour de la même chose. Et surtout, donc, cette musique. Yuki. Parole de Paul Williams. On n'a jamais eu de version française, fort heureusement. Parce que je pense que ça aurait pu être extrêmement. Il existe une version française. Oh, magnifique. Mais qui n'a jamais été employée pour la série, qui était une adaptation de la chanson The Love Boat de Paul Williams et Charles et Fox. Charles Fox, ouais. Mais je sais que j'ai entendu ça une fois, mais je suis incapable de dire où. D'accord. après, c'est vrai que la série clairement était assez cheap, mais la chanson, c'est vraiment du, bah, comme on a entendu, c'est du Vegas, c'est ce qu'on entend dans Mars Attacks avec Tom Jones, quoi. Oui, et puis il faut signaler un truc, hein. Paul Williams, c'est nul autre que Swan, le personnage du Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Ah, d'accord. Et c'est un musicien qui est totalement mythique aux États-Unis, spécialisé dans le jazz et le folk. D'accord. Après, ce qui est assez sympa aussi, c'est un générique qui est assez classe et ça contraste un peu avec le côté très cheap de la série. C'est-à-dire que la série, alors au début, il y avait toujours des intros où on voyait le bateau et tout, mais une fois qu'on était dans la série, c'était un décor d'intérieur et un décor d'extérieur où on voyait la mer à l'extérieur qui était projetée contre un écran. Enfin, c'était hallucinant de kitscherie. Et je trouve, alors après, moi, c'est mon goût personnel, que la chanson vieillit bien. Oui, c'est de la chanson classique, voilà. C'est un standard du jazz, quoi, maintenant. Voilà, et puis il y a du... Enfin, l'orchestration est quand même assez impressionnante. Enfin, faut voir qu'il y avait beaucoup de génériques, il y avait des belles orchestrations à la fin des années 70. Assez peu de synthé, assez peu de trucs comme ça. Et c'est vrai que The Love Boat, c'est un bon exemple. En sachant qu'il y a eu une version 2 de la chanson sur la 8e saison qui était chantée par une femme. Oui, Diane Warwick, voilà. Grande dame du jazz. Et du coup, moi je ne me souvenais pas qu'il y avait cette version. Peut-être qu'il passait pas la saison 8 sur France 3. On l'esquivait volontairement parce qu'on était un peu trop grand. Peut-être aussi. Mais elle est vraiment très sympa, quoi. C'était une version qui est chouette aussi, quoi. Enfin, elle a pas à rougir de la première. Je préfère la première, honnêtement. Préfère la première aussi, mais c'est un changement qui est agréable, quoi. On va pas cracher sur la deuxième version. Mmh. Et d'ailleurs, un enchaînement de folie. Le générique a été écrit par Charles Fox et Paul Williams, mais les musiques à l'intérieur de la série, c'est le légendaire Mark Snow qui faisait la musique. Je te laisse en parler et enchaîner sur notre deuxième sélection. Tout à fait. Mark Snow, c'est juste un des monsieur génériques de tout temps. Un des seuls que je connaissais avant de faire l'émission. Il a juste composé des titres comme X-Files, ah oui, T.J. Hooker ou Dynasty. Donc, il a un champ très vaste et j'ai choisi un générique de son travail qui est tout simplement L'amour du risque. On va écouter maintenant. Jonathan et Jennifer, les justiciers milliardaires. L'amour du risque, c'est vraiment leur grande affaire. Faire la vie dure aux gangsters. Jonathan Hoff, oh oh oh, Jennifer Hoff, jouent leurs atouts et sont les rois de toute la belle société. Jonathan Hoff, oh oh oh, mythique. Je veux dire, les paroles sont tellement délirantes, mais on est à fond dans l'action, même s'il se passe pas grand-chose dans L'amour du risque au final. Ah bah l'amour du risque, comme le dit si bien générique, hein, Jonathan et Jennifer, justicier milliardaire, hein, trop de pognon, ils passent leur temps comme ils peuvent. Oui, c'est ça. Mais je me souviens que dans la cour d'école, on faisait. Quand on voulait jouer avec des filles, on leur proposait un amour du risque, elles faisaient Jennifer, elles étaient heureuses. Hein. Bah oui, non, mais c'était une série sympathique, c'est un couple mythique de la télé des années 80. Et ce générique français, c'est en fait une. Ce qu'il faut savoir, c'est que le générique de Mark Snow n'avait aucune musique. C'est-à-dire aucune parole. Ouais, ah oui, aucune parole. C'était juste une section musicale et donc Max, le majordome de Jonathan et Jennifer Hart qui expliquaient qu'ils étaient ses patrons, qu'ils étaient milliardaires et qu'ils avaient grand cœur, donc ils allaient dans le monde aider les gens, quoi. Oui, en fait, on a eu en France la version chantée de ce speech introductif. Oui, et pas seulement, parce que même toute la musique a été refaite. D'accord. Donc le générique que nous, on a eu en France n'a rien à voir avec le générique original de Mark Snow. Et c'est donc M. Saban et Shuki Levy qui sont juste d'autres grands noms des génériques à travers tout temps. On en parle Saban, pas. C'est lui qui a créé les Power Rangers, par exemple. Oui, entre autres. Succès mondial. Et tant d'autres choses. Bon, on parlera certainement tout à l'heure, mais le truc, c'est que pour le chant mythique de cette chanson, Lionel Leroy, dont d'ailleurs je vous conseille d'écouter notre podcast dédié à ce grand chanteur des années 80. On n'avait pas parlé de l'amour du risque dans cette émission-là, ça m'étonne. De souvenir, non, je crois pas. Enfin, c'était pas nous qui étions dessus, voilà, c'est normal qu'il y ait des lacunes, voilà. Et oui, forcément. Donc on va passer au reste. Toi, tu voulais nous parler d'une autre série mythique des années 80, qui nous dit que personne dans le monde ne marche du même pas, mais même si la Terre est ronde, on ne se rencontre pas. Alors, bien sûr, on s'écoute un petit extrait. Bien sûr. Donc Arnold et Willy, bien sûr, certainement la série la plus positive du début des années 80. Donc Ouais, il y en a une autre, elle vient après. Non, Arnold et Willy, série positive. Ah, moi je trouve que si. Déjà le concept de base, c'est quand même deux orphelins qui se font adopter par le père de leur, enfin le patron de leur mère. Oui. Ce qui est pas très positif quand même comme débat. Ça commence sur un truc triste, mais j'ai trouvé ça assez. Je me rappelle de certains épisodes très très glauques, où, notamment un épisode où un vieux propose des bonbons à Arnold pour le photographier en slip dans sa baignoire. Moi je me souvenais surtout de l'épisode où Bubule, le petit poisson rouge mourait, mais oui, il devait y avoir d'autres... Non, c'était une série qui osait aller dans des endroits assez étranges quand même. Bah, c'était une série assez morale au final, hein. C'était toujours... en fait, il y avait un côté antiraciste sur Arnold et Willy, où vraiment il y avait une espèce d'attaque systématique sur les préjugés, mais aussi, oui, des espèces de petites leçons de vie comme on en avait assez souvent quand même dans les séries des années 80 où la drogue les pervers sexuels a priori. Ça je te jure que ça m'a surpris quoi. ouais d'accord, j'ai dû l'oblitérer de ma mémoire. J'imagine que des fois ils faisaient des fugues pour retourner dans leur ancien quartier tout ça, mais il y avait toujours un esprit positif quoi. Ouais. Donc pour revenir un peu sur la chanson quand même, la chanson originale s'appelle Different Strokes, qui était le nom de la série tout simplement, qui a été composé et interprété par Alan Thirke, qui était le docteur Jason Weaver, le papa de la série Quoi de neuf docteur. Oui, série que j'ai complètement oubliée, donc voilà. Bah non, moi c'était une série que je suivais, elle passait sur France 2 en fin des années 80, début des années 90. Antenne 2 donc. Oui, Antenne 2 forcément. Et ouais, j'ai été très surpris de découvrir que c'est Alan Sick qui avait écrit Different Strokes. Ouais, ouais. C'est, bah, après, c'était, des... ouais, c'était un petit milieu aussi, hein, la série américaine. On va dire que tu faisais le générique de l'un, tu pouvais être pris pour acteur pour une autre série. Hein. C'était pas forcément complètement fou à l'époque. Oui, non, mais c'était une circonstance assez étrange, je trouve. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que là, contrairement au cas avant de L'amour du risque, c'est que là, on est vraiment sur une adaptation du générique original. Oui. Où c'est vraiment une traduction littérale du générique original qu'on a en français. Nous. Tout à fait, parce que moi, j'ai le souvenir d'avoir écouté la version anglaise. Mmh. Donc, je sais même pas s'il n'y avait pas certains épisodes au tout début qui ont dû être diffusés avec la version anglaise. Oh, ça serait pas étonnant. Hein. Parce que, ou alors, peut-être que sur les vinyles ou les cassettes, il y avait les deux versions, je ne sais pas. Mmh. Mais j'ai un souvenir pré-internet, on va dire, de cette version anglaise de la chanson. Mais c'est vrai que la version française, bon, reprend le thème, hein, de la chanson américaine, mais moi c'est une chanson que j'aime bien, et ils auraient même presque pu la mettre en karaoké pendant le générique, tu vois, j'aurais bien aimé. Ah, mais à la version chantée par Jean-Pierre Jobert, oui, elle rentre dans le crâne, elle est dynamique, elle est vraiment excellente, quoi. Elle est sympa, enfin moi c'est une chanson que j'aime beaucoup, quoi. Ah, tout à fait, hein. c'est vraiment un des grands tubes des génériques de séries télé. On enchaîne avec du musclé, du Ça, du musclé, oui, du 4x4, de la casquette. Du Texan. Enfin, du Texan. C'est chuchote de New Yorkais. Je suis pas le genre de mec qui aime la bagarre. Faut pas me pousser trop loin, tu vois, et faut pas me chercher. Même si je suis cascadeur, j'ai quand même l'amour dans le cœur. Je préfère jouer au tombeur que jouer au catcheur. Je suis l'homme qui tombe à pique, je suis l'homme qui vient de loin. Et dans ma peau de flic, je n'ai jamais peur de rien. Je suis l'homme qui tombe à pique, j'ai ma vie entre mes mains. Et si je prends des risques, ça n'est jamais en vain. Voilà, donc L'homme qui tombe à pic, cette série mythique. Ça y est, t'es tombé. Je me suis pas fait mal. C'est cette série mythique mettant en scène Lee Majors, alias Colt Seavers. Quelle classe. Cascadeur le jour, chasseur de primes la nuit, ça occupe. Voilà. Et aidé de son acolyte et neveu, Howie. Oui. Et de la sublime Jodie, le bikini bleu le plus mythique de la télé. Il était dans le générique en plus, celui-là. Ah bah oui, on regardait la série juste pour cette séquence dans le générique. Hein. C'était comme Starsky & Hutch quand tu voyais Daisy Duke avec, justement, c'est Daisy Duke, c'est le nom que portent les shorts en jean maintenant. Ouais, oui, tout à fait. Oui. Mais L'homme qui tombe à pic, c'est vraiment la série macho par excellence. Ouais, mais c'est marrant parce que moi, quand j'étais petit, alors c'était une série d'action, mais je trouvais ça pas forcément plus macho qu'un Agence Touriste ou Starsky & Hutch. Mais c'est vrai que après, quand on y repense, c'est vraiment l'apologie de l'homme viril à 100%. Ah, puis du vrai Texan, quoi. C'est-à-dire le mec, il a un pick-up, il est chasseur de primes. Je suis sûr, il pourrait refaire une émission maintenant, tu sais, avec tout ce qu'il y a comme émission que tu vois sur la télé, les mecs qui vont chercher des trésors dans les marais et tout ça, qui font péter les jardins. Et tu parles de son pick-up, mais le pick-up est un personnage à part entière de la série. Mais même s'il y avait beaucoup de femmes, soit elles étaient surtout là pour leurs atouts physiques du genre un Jody et son magnifique bikini bleu, ou alors la femme qui met Colt en relation pour ses enquêtes, qui est vraiment la salary woman pure et dure, qui sert à rien au final. Mais elle est juste là pour filer les contrats. C'est une secrétaire. Améliorée, ouais. Voilà. Et ce que j'aimais bien dans ce générique aussi, c'était le côté parlé au début. Oui. Où le doubleur français expliquait le principe de la série en quelques phrases. Et ça, je trouvais que ça me motivait bien au début. Et justement, la personne qui chante ce générique français, Oui. C'est donc Im Saban du duo Saban et Levy, encore une fois. Il n'a pas trouvé le chanteur à temps, il fallait lui rendre le produit à temps, donc il s'est mis dessus peut-être, hein. Je ne sais pas. Et il remplace en Lee Majors qui chantait la version originale de ce générique. Après, les paroles ont absolument rien à voir entre la version française et la version originale. La version française présente un Colt Silver bagarreur prêt à se servir de ses poings, mais plutôt gentil garçon, on va dire. La VO, c'est carrément un gros tombeur qui a attrapé la moitié des stars féminines d'Hollywood, dont notamment dans les premières cités, une mystérieuse Farrah, qui n'est autre que Farrah Fawcett, qui à l'époque était la femme de Lee Majors. Ah bah, comme quoi, c'est pas de l'avantardise. Non, non. Le mec, voilà. Mais voilà, c'est en fait le générique original, c'est une liste des conquêtes féminines de Lee Majors. Je pense pas qu'aujourd'hui ça passerait facilement auprès du public. Il y a un côté très country aussi, oui. Avec les mecs qui racontent leur vie de cow-boy et que comment ils chevauchent des chevaux, enfin des taureaux en furie et tout. Il y a un côté, enfin je pense que c'est d'un, enfin la musique est country, mais il y a aussi cette inspiration presque parodique de ces cow-boys qui chevauchent des tornades et qui tapent plus fort qu'une locomotive. C'est marrant. Ah oui, c'est un bonhomme. Ah ouais, c'est le bonhomme, hein, et vraiment. C'est l'icône machiste réellement dans le sens où vraiment hyper viril avant l'arrivée des grandes vedettes que sont Stallone et puis Schwarzenegger au cinéma réellement. Mais c'était une alternative aussi. Enfin, c'était pas le voilà quoi. C'était un cow-boy moderne le gars. Ouais, mais tout en restant assez John Wayne-esque dans le style. Tout à fait, ouais. Et le truc, c'est qu'il y a des projets de cinéma autour, deux projets qui circulent. Je sais pas lequel est le mieux entre celui dirigé par Martin Campbell qui a donc fait la légende de Zorro et James Bond, ouais. Avec donc j'ai oublié le nom, c'est horrible. Qui joue l'homme qui tombe à pic avec en dedans ça serait celui qui jouait Batman dans Batman et Robin. Oh là là, oui d'accord. George Clooney, voilà. Oh putain, non, c'est non, merci. Non merci, on va dire. Surtout que le gars, il est enfin voilà, c'est oui. Aucune enfin c'est censé être un cascadeur, le gars. Oui, alors, oui, moi, oui, je verrais bien le Johnny Knoxville de Jackass à la rigueur. Mais le second. Le mec le plus raide de la Terre. Le second projet, encore pire. Ah bon, vas-y. Donc, à la réalisation, Maggie, qui a fait les Drôles de Dames. Oh la vache, oui. Non. Ouais, admettons. Et dans le rôle de Colt Sivers, The Rock, Dwayne Johnson. Non. À la rigueur, tu vois, celui-là, je le vois mieux dans le rôle d'un cascadeur. Le problème, je sais pas. Enfin, il est pas trop pour Colt. Ouais, il est trop cartoon, quoi. Mais il faut savoir aussi que la série a pas eu d'édition DVD. Ah, c'est le syndrome d'Aria, j'imagine. D'Aria et aussi Malcolm, ouais. Ou Wonder Years. Donc, pour dire qu'en fait il y avait beaucoup de chansons. En fait, il y avait énormément de vedettes qui venaient dans la série télé. On a eu Paul Anka, Paul Williams qui est venu chanter dedans. Ah, excellent. Et à cause de ça, tous les droits qui des chansons, la série télé ne les possède pas. Donc oui, pour la diffusion télé, ça passe, mais pas pour une sortie DVD. Et c'était pas des versions spécifiques pour la série, c'était des chansons. Non, c'était ils venaient chanter leurs chansons à eux, quoi. D'accord, ouais, parce que enfin, par exemple, les Muppets n'ont pas eu ce problème. C'était des artistes qui venaient chanter, mais c'était une version spéciale pour la série. Voilà. Et malheureusement, les rééditions DVD à l'époque, ils n'y pensaient pas. Non, c'est une question de droit, de comment tu travailles tes droits. Notamment en série récente, tu as eu Cold Case qui a eu le même souci. Ah bah qui oui. Énormément de chansons et à cause de ça, interdit de sortie DVD. Ah, c'est dommage parce que c'est vrai que c'est. Enfin bon, hors sujet, mais c'est vrai que c'est une série qui est très sympa justement pour l'ambiance musicale qu'il crée avec les hits de cette époque. Voilà. Justement, hits de cette époque, parlons d'une lointaine époque maintenant. Eh oui. Oui, c'est du fou. Rétro en fait, c'est tout trouvé cet enchaînement, c'est magnifique. On va parler de Happy Days. Sunday, Monday, Happy Days. Gray sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. It feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long. Alors, en sachant que on triche un tout petit peu, parce que le Happy Days, en fait, c'est 74 aux USA, 76 sur TF1, première diffusion. Mais moi, je me souviens, enfin forcément, j'étais pas né en 67, mais je me souviens sur la version Antenne 2 au milieu des années 80. Ben, moi, j'aurais plus dit RS5, mais, mais ce qu'il faut savoir, c'est que justement, la première diffusion sur TF1, c'est, ils ont diffusé que 26 épisodes, qu'ils ont pris au hasard dans les saisons 1 à 3. Ah oui, avec les personnages qui changent et tout, quoi. Oui, donc en fait, quand les gens se plaignent aujourd'hui des séries diffusées n'importe comment par TF1, c'est pas de maintenant le souci. Bah après, bon, pour faire le pitch un peu rapidement de Happy Days, en gros, on va suivre la famille modèle états-unienne des années 50. En fait, la c'est famille Cunningham. Cunningham, surtout Richie, en fait, qui est le fils rouquin de la famille, qui s'avérera être ensuite... un réalisateur à succès, Ron Howard, qui a fait énormément de films et qui a exactement la même tête qu'à l'époque, sauf qu'il est chauve. Et un peu plus de rythme. Oui, de rythme, bah, mais... maintenant il est un peu plus ridé, mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, j'ai eu une interview de lui, j'ai dit, mais il n'a pas bougé. Et puis à un moment, il a enlevé sa casquette et là, tu fais, ah si, malheureusement, il a perdu sa magnifique chevelure rousse. Il est beaucoup moins roux maintenant. Ouais, ouais, c'est dommage. Mais voilà. Donc voilà, qui ont un rocker rebelle. Qui habite au-dessus de chez eux. Arthur Fonzarelli, voilà, alias Fonzie. Hey. Qui est le mec le plus cool jamais créé dans une série télévisée. C'est un rocker qui tombe les filles, fait de la moto et répare les jukebox en tapant dedans. C'est à peu près tout ce qu'il fait de la journée, d'ailleurs. Joué par Henry Winkler, qui sera plus tard le producteur de MacGyver. Producteur de MacGyver et producteur aussi de... Il devait jouer MacGyver. Oui. La face du monde aurait pu être changé, on aurait eu après un Stargate avec Fonzie, ouais. Enfin ça aurait été épique. Ouais, tout à fait. En sachant que pour revenir sur la chanson, en fait il y a eu deux versions. C'est d'ailleurs toi qui as fait les recherches, hein. on va parler un peu des coulisses, et la première version en fait c'était Rock Around the Clock. Tout à fait. Voilà. Ce grand classique du rockabilly des années 50. Mm-hmm. Et moi, ce dont je me souvenais, en fait, c'était la deuxième version, la V2, par Pratt et McLean, qui est Monday, Sunday, Happy Days. Nanana. Bah, le générique de Happy Days pour tout le reste du monde, quoi. Voilà, exactement. Et ce qui est marrant, c'est que je me souviens qu'à l'époque, j'étais en primaire et tout, mais absolument, enfin, la plupart de mes camarades de classe connaissaient tous leur jour de la semaine grâce à Happy Days parce que ils connaissaient vaguement la chanson et du coup c'était peut-être une des premières comptines pour apprendre les jours de la semaine que ces petits français ont connu. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à un tel impact. Et voilà. Et en dernière petite anecdote, j'imagine que tu te souviens du fameux clip caché dans le CD de Windows 95. Ah oui, The Wizard. The Wizard, qui avait refait une espèce de concert improvisé chez Al. Donc Al, c'est la cafette dans laquelle traînent les gamins de Happy Days. Tenue par Pat Morita. Oui, dans la deuxième version. Parce qu'au début, c'était il s'appelait Albert, un petit gros italien, que tu retrouves dans ce clip de Wizard. Ils ont choisi l'ancien. Et après, Pat Morita, donc le gars de Karate Kid, qui débarque là-dedans en tant que Al, quoi. Il a été racheté par un Chinois et tout le monde l'appelle Al, tout le monde trouve ça tout à fait classique. Normal. Et je ne sais même pas si scénaristiquement le changement d'acteur a été justifié, quoi. Je pense pas. Tu connais l'expression James the Shark? Oui, tout à fait. L'expression qui explique une série qui devient totalement aberrante dans son. Dans son fonctionnement. Genre une série est sortie récemment qui s'appelle Scorpio, où donc un hacker va pirater un ordinateur génial. Dans un avion avec un câble RJ45 alors que l'avion est en plein vol, lui il est au sol. Ouais, mais ça c'était à l'épisode 1, ce qui fait que quand même cette série est assez énorme dès le début. Mais voilà, on met le niveau très haut. Voilà. Et en fait, l'expression de Jump the Shark, elle vient de Happy Days et d'un épisode où Fonzie doit sauter en moto au-dessus d'un lac qui est peuplé de requins. Voilà, et pourquoi t'as des requins dans un lac en plein milieu de, je sais pas, ça doit être le Wisconsin, c'était, un truc comme ouais, ça. C'était la fin, c'était la mode des Dents de la Mer, j'imagine, et De toute façon, les mecs, ils écrivaient en roue libre au bout d'un moment sur Happy Days. Il fallait savoir que c'était un concept très intéressant quand même, parce que c'était une série qui se basait dans les années 70, mais qui parlait des années 50, mais d'une manière complètement, complètement surréaliste, quoi. C'était oui, de la caricature totale. Allé, Un peu comme le That 70s Show. The 70's Show, ouais. Qui faisait la même chose. À la fin des années 90, t'avais une bande de jeunes qui vivaient dans les années 70. Et voilà, c'est, mais oui, le Happy Days, c'est parti en sucette assez vite et assez fort, surtout pour l'époque. Et pour la suite, on va continuer avec un générique qui lui aussi a gardé son générique anglais, comme la Happy Days. Là, on va parler de Punky Brewster. Est-ce que tu te rappelles de cette série ? Oui, je me souviens du petit chien et de la petite fille que je trouvais adorable. Toi aussi, t'étais amoureux de Punky Brewster ? Oui, surtout quand elle a grandi, sans voir. Ah, Soleil Moon Frye. Ouais, elle est devenue. C'est devenue une très belle femme. Oui, tout à fait. Donc Punky Brewster, c'est l'histoire d'une orpheline, enfin même pas. C'est une gamine de 5 ans qui est abandonnée par sa mère alcoolique sur un parking de supermarché, qui se fait adopter par un vieux photographe retraité à la et complètement dépressif. Oui, mais je vous jure que cette série est extrêmement rigolote et positive. Oui, c'est une série comique. Et heureusement, tu avais ce générique Every Time I Turn Around composé par Gary Portnoy et Jodie Hartangelo qui donnait la pêche dès le générique, hein, parce que vu le pitch de base, c'était pas gagné. Ouais, et puis en plus, alors déjà, là c'est de la radio donc on peut pas vous le montrer, mais Punky Brewster, c'était marqué en lettres arc-en-ciel, ça faisait très. Il y avait vraiment une ambiance d'enfance très sympathique. Je me souviens que la gamine, elle avait sa chambre qui était... En fait, elle avait mis une tente dedans. Oui, elle dormait avec son chien. C'était une brouette, si je me rappelle bien. Oui, c'était... À chaque fois, il y avait des bonnes idées de deux personnages qui étaient quand même vraiment dans la misère noire, faut bien le dire, et qui le vivait bien au final. Et du coup, ça avait un côté très très très très réjouissant pour. Oui, par exemple, quand on avait un petit souci, tu regardais Punky Brewster, et tes soucis déjà ils te paraissaient quand même vachement. T'avais eu une mauvaise note à l'école, c'est pas trop grave, hein. Toi, t'as pas été abandonné sur un parking de supermarché. C'était une série feel good à 100%. Après, tout n'a pas été bon dans cette série. Notamment, il y a eu un spin-off en version animée. Oui, jamais bon ça. Non, qui rajoute en plus un nouveau personnage. Donc, je me rappelle plus de son nom. Ça doit être Gloomer. Et Gloomer, c'est lui aussi un orphelin, mais un leprechaun orphelin. Ah oui, d'accord, c'est carrément fantastique. Ça joue Joe Shark. Ah oui, grave. Et donc le générique de ce cartoon était encore une fois écrit par Savannah Levy. Ah là là, toujours sur les bons plans les deux là. Punky Brewster, c'était aussi un des grands choix d'un membre de notre équipe pour les génériques télé, donc Mr. Whis, qui aime beaucoup ce générique. Et justement, on a demandé à pas mal de gens sur Twitter quels sont les génériques qui les ont marqués. Oui, allez, on va faire un petit bilan rapide, parce que en plus c'est vraiment des génériques, avant de passer à autre chose, qui nous auraient vraiment plu de parler, mais sinon lors de l'émission elle dure 3 heures. Donc on a Mr. Whis donc qui nous propose ça, et Ricky ou la Belle Vie. Moi, je m'en souviens pas du générique de la musique, mais je me souviens qu'il avait un train et qu'il avait des bornes d'arcade, et j'étais vert de jalousie. Comme tout le monde, on l'a détesté, ce petit blondinet. Ah là là. Mais en fait, on aimerait bien l'avoir comme copain. Il y avait toujours ce copain qui avait des consoles qu'on n'avait pas et des tonnes de G.I. Joe. Bah, c'était version 10, quoi, le gars. Et justement, en parlant de copains, il faut savoir que Ricky, de Ricky ou la belle vie, était copain avec Willy, de Arnold et Willy. Et justement, Willy était venu dans Ricky ou la belle vie. C'était le même univers. Oui, c'est un univers partagé. Et à eux deux, ils avaient essayé de pirater, je sais plus, je crois que c'était le Pentagone ou la NASA. Avec un ordinateur de l'époque, hein, quand même. Un Apple II, parce que c'était un sale riche. Et justement, si on avait un générique très péchu sur Arnold et Willy, sur Ricky ou la belle vie aussi, c'était aussi du même acabit, quoi. On a aussi Mikado Twix qui nous parle de Starsky et Hutch, évidemment. Chanson exceptionnelle. Chevalier au grand cœur qui n'ont jamais peur de rien. Ouais. Surtout que, en fait, moi, ça me passait. Quand ils disaient ça, Chevalier au grand cœur, tu voyais les deux avec leur pull pourri. Et moi, ça me choquait, même étant enfant. Je me disais, c'est quoi ces chevaliers qui puent, quoi. Enfin bon, c'est mon sentiment. Et j'ai une petite anecdote aussi. Faut savoir qu'il y a quelques années, j'habitais en Espagne. Et en Espagne, je ne sais pas pourquoi, il y avait des pubs dans le métro. Et ils avaient utilisé la version française de Starsky & Hutch. C'est dire si la chanson est culte, quoi. Même en Espagne, dans le métro, t'entends la musique de Starsky & Hutch. Même David Soul, donc Hutch, qui travaille beaucoup avec la France, hein, maintenant. Reconnaît que la version française est meilleure que la version originale. Très honnêtement, on l'entend un peu en sourdine pendant le générique, en fait, la version anglaise. Et c'est vrai que la version française est pète. Elle a tellement plus de patates. Ouais. Voilà. On va enchaîner avec le très bien nommé Vilain Pabo, qui nous propose Sans Koukaï. Alors, je sais pas s'il fait une blague ou pas, mais moi, je me souviens de la... Sans Koukaï, c'est la bataille. Ah ouais, c'était dans les étoiles, et puis avec des espèces de modifications de voix pitchées. C'est une horreur, ce truc. Elle est très drôle. Avec des petites airs de synthé. Tu. D'ailleurs, nos auditeurs n'en ont pas parlé, mais moi, dans le même genre, je préfère celle de Bomber X. Oui, pareil. Qui est un peu plus... Mais qui est dans le même genre. On a JP qui nous propose Dallas, forcément. Un incontournable. Ton univers impitoyable. Tout à fait. La série qui a traumatisé des jeunes pendant les après-midi très longs où il fallait se taper plusieurs épisodes de Dallas d'affilée. Ah oui, j'aime bien Dallas. Hein. J'arrivais pas à suivre. J'ai une affection pour cette série. Sans dire qu'elle est bonne, hein, faut pas rire. Mais j'ai une affection pour cette série. Quoi. C'est un moment partagé avec mes parents. Donc. Oui, tout à fait. Ouais, moi, j'ai jamais pu. Quoi. On a Docteur Mephisto qui nous propose Bioman, forcément. J'ai même le vinyle juste à côté de moi, en réalité. Je m'écarte un tout petit peu. Mais reste à savoir quelle version, si c'est celle de Michel Barouille ou celle de Bernard Minet. Alors, je le sors. Nouvelle chanson du feuilleton TV, face B, version instrumentale, IDD. Et c'est pas marqué ? Non. Alors, hop, je le sors. Si face c'est le moitié... A, par Bernard Minet. Donc le moitié homme, moitié robot. Oui, tout à fait, ouais. Mais donc, pour compléter ça, j'avais envie de parler d'un titre oublié pour montrer qu'en fait, les génériques de séries télé, c'est pas que du truc où on se souvient pour la rigolade. Donc, est-ce que tu te souviens de la série Ralph Super-Héros ? Alors, je ne me souviens pas de la série. Par contre, je connaissais le générique, mais totalement hors contexte. Mais on en parlera après. Donc, en fait, cette série qui est totalement oubliée de notre côté de l'Atlantique raconte l'histoire de Ralph, un jeune professeur qui un peu idéaliste, qui se retrouve en possession d'un costume donné par des extraterrestres qui lui donnent des pouvoirs de Superman, tout simplement. C'est seulement dans les années 80, tu peux avoir ce genre de pitch complètement fou. Et le problème, c'est qu'ils ont oublié de lui donner le mode d'emploi. D'accord. Ce qui est un peu plus problématique, hein, parce qu'il peut rentrer dans un mur et le traverser une fois sur deux quand il se rappelle comment faire. D'accord. Mais donc, ce générique, c'est qu'on va écouter tout de suite, a eu beaucoup de succès outre-Atlantique. Voilà. Quel genre de succès alors Ça s'est juste positionné pendant 18 semaines consécutives dans le top 40. Ah d'accord, aux USA, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Et ça a atteint la deuxième position en se plaçant juste derrière Endless Love de Diana Ross et Lionel Richie. Quoi. Donc on peut le mettre à peu près au niveau de Dur dur d'être bébé de Jordi. Quoi. À peu près. C'est un titre de qualité. Cette série a eu beaucoup de succès outre-Atlantique. Elle est vraiment culte là-bas. Donc, alors que chez nous, elle est passée vite fait sur TF1 et sur la 5. Sur la 5, ouais. C'est ça. Bah d'abord sur la 5, où je crois qu'ils ont passé juste pilote et ça n'a pas fait d'audience. La chaîne s'est arrêtée juste après, donc ils ont passé la série sur TF1, mais j'ai aucun souvenir de son passage sur TF1. J'avais souvenir sur la 5, par contre. D'accord, mais c'est peut-être un peu comme Manimal, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus énormément d'épisodes, peut-être. Sur 3 saisons de 24 épisodes. Ah ouais, quand même. Non, 4 saisons, il y a eu un spin-off. Ouais. Non, ça a été un carton. Flop en France, mais super carton aux États-Unis. Voilà. Et le truc, c'est que ce titre, qui a lancé la carrière de Joey Scarberry, qui a eu beaucoup de succès en chanteur country et folk aux États-Unis, est composé par une petite personne pas très connue qui s'appelle Mike Post. Le deuxième compositeur de générique après Mars. Pour le cinéma, en compositeur de musique, tu as Ennio Morricone et John Williams. Pour la télé, tu as Mike Post et Mark Snow. Mike Post, c'est juste Magnum, Les Têtes Brûlées, Le Juge et le Pilote, Code Quantum, Le Rebel, Dr. Doogie, Equalizer. Les musiques de Law and Order. Et surtout, c'est le choix ultime qu'a fait toute l'équipe de It Is the Podcast pour ce numéro, voilà. De générique emblématique des années 80, c'est celui-là. L'agence touriste, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Les mauvais coups, les truands, l'agence des règles au comptant. Si la justice vous attend, l'agence touriste, la grande tournante. Pour la victime, aux abois, tout à coup elle surgira. L'agence touriste. Non, mais ouais, franchement, ce générique, il est complètement génial. En plus, pendant un moment, il y a des mecs qui tirent à la mitrailleuse dedans. Enfin, c'est juste. Moi, quand j'étais gosse, j'étais à 200%, quoi. J'écoutais le générique et je sautais sur ma chaise, quoi. Je trouvais ça juste galvanisant, on va dire. C'est le mot. À l'agence touriste, hein, donc on vous renvoie sur le podcast. On a fait 3 heures, donc. Chanté par la star de la chanson de générique des années 80, Noam Kaniel. On ne connaissait que le prénom, en fait, Noam. Oui, à l'époque, oui. Et pour cette seconde partie, nous partons donc sur les génériques honteux que nous avons honte d'aimer ou de légèrement détester. Ouais. Donc alors là, on avait pléthore de choix, mais vraiment. Donc notamment, Nico, tu voulais nous parler de Booba, le petit ourson. Alors ça, c'est vraiment les génériques de la honte, dans le sens où il y en a deux, hein, que j'ai mis ensemble, c'est Booba, le petit ourson et Les Petits Malins. Mmh. C'est-à-dire que je devais avoir 8-9 ans, hein, à ce moment-là. Booba le petit ourson, c'est Chantal Goya, hein, quand même. Oui, oui. Il y a quand même quelqu'un de qualité. Et tu sens Chantal Goya. Chanteuse. Elle est bien chantée, cette chanson. Et par contre, c'était l'âge où tu commences à devenir un peu grand. Mmh. Le dimanche soir, t'as soit Booba, soit Les Petits Malins qui passent. Et t'as pas envie de dire à tes copains de classe le lundi matin que t'as Booba le petit ourson ou Les Petits Malins dans la tête. Et qui ne connaît pas le si tu es triste et que tu as un gros chagrin. Ouais, c'était tellement mignon. c'était vraiment des chansons, les deux. Alors Booba, en plus, c'était mignon, t'éloigne pas trop de ta maman et tout. Il y avait vraiment une thématique commune aux deux chansons, qui était vachement rassurante, mais qui te mettait un peu la honte, parce que non, t'étais grand quand même à cette époque-là, t'avais plus besoin des petites chansons style Les Petits Malins ou Booba, mais il y avait ce côté très attirant. Donc moi, c'est bon, en tant qu'adulte, maintenant, je peux dire que je trouve ça sympa, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais un peu honte de les aimer quand même, ces deux chansons. Oh, personnellement, Les Petits Malins, j'aimais bien. Booba, ça m'a jamais intéressé, mais Les Petits Malins, j'appréciais autant la série que le générique, d'ailleurs. Ouais, ouais. Et tu sais l'horrible vérité sur Les Petits Malins. En fait, c'était une grosse pub déguisée. Pub, oui, pour Gabi. Voilà, Gabi. Bah, en fait, Gabi a été rajoutée. Alors, en fait, au Japon, c'était une pub pour des petits jouets qui s'appellent Les Petits Malins. Oui. C'était des petits machins, l'arbre magique, là, que tout le monde a eu. Mais l'ours Gabi, il n'est pas sorti au Japon, il est sorti uniquement en France. Il a été réintégré au dessin animé des Petits Malins pour vendre aussi des ours Gabi. Non, il a juste été intégré au générique, parce que dans la série, il n'apparaît pas. Oui, je me suis mal exprimé. Dans le générique, Gabi, l'ami des tout petits, tu le vois jamais, hein. Par contre, dans les trucs que j'avais honte de regarder, c'était Maggie. Ah, t'étais obligé, non? T'étais obligé, quoi. Le dimanche. Et ouais. Tu savais que ça. ça sonnait la fin de ton week-end, que tu allais avoir l'école le lendemain. Déjà, ça te mettait en bad. La série, donc, pour ceux qui n'ont pas connu Maggie, vous avez de la chance déjà pour commencer. Je sais pas si ça peut pas avoir un certain quatrième degré intéressant à regarder maintenant. Oh là, je t'essayeras. Malheureusement, les sorties en DVD n'ont pas pu être possibles parce que tout le monde s'en fout. donc Maggie, ça raconte l'histoire d'une femme d'affaires multidivorcée et remariée donc à George, qui a sa femme de ménage, Rose, qui est portable. Donc, Rose, elle a un accent pied noir, mais un nom breton. Mam Maggie. Donc, c'était une série, mais totalement improbable. On parlait tout à l'heure de Happy Days, James the Shark, qui sautait le requin. Oui. Mais alors là, il l'avait attrapé, il l'avait fumé, le requin. Décris-nous ton épisode culte, très rapidement. Oh, honnêtement, je me rappelle d'aucun épisode. Mais il faut savoir qu'il y en a eu 333, quand même. Ah oui, quand même, ouais, d'accord. Ah, ça a duré 10 ans, hein. Et donc, ce générique magnifique, écrit par Alain Wisniak et Jean-Guy Gingbert et Stéphane Barbier, parce que, ouais, il fallait tout ce monde. Et trois mecs pour écrire, voilà. Elle voit tout en rouge. Avec elle, ça bouge. Oh putain, je m'en souviens, ouais. Allez, bah, on va s'en écouter un petit bout. Avec elle, ça bouge. Maggie du soleil, ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe une soirée en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Ah, c'est horrible de savoir qu'on se souvient de ça, quoi. On ne remercie pas les frères Michel et Georges Costa pour avoir chanté ça. Non. On ne remercie pas France 2 d'avoir diffusé ça. Mais c'était populaire, mais il me semble que la fin était assez abrupte. Ils ont arrêté ça. Enfin bon, je sais pas pourquoi. Oui, mais tant mieux qu'ils aient arrêté, hein, je vais dire. Bon, après, les programmes qu'on a maintenant à la télé, on se dit peut-être qu'ils auraient bien fait d'y laisser, mais... Ah ouais, après 30 ans, je pense que ça aurait fait comme... Oui. Mais sinon, toi aussi, tu voulais nous parler d'une série avec un générique qui a des grandes paroles. Alors plusieurs même, hein, mais on va commencer avec Bumbo, qui est un dessin animé, oui. qui était diffusé sur France 5, je crois que c'est. Ah quoi que. Non, FR3. Qui était l'histoire d'une voiture qui sortait d'un œuf. Tout à fait. La drogue. Voilà, exactement. L'herbe musicale. Voilà, ouais, on revoit le spectre de Topsy revenir. Et pareil, c'était une chanson qui était complètement idiote. Mais tu. Tu parais si fragile. Oh, ça reste dans le crâne. Et voilà. Et 20 ans après, on s'en souvient toujours. C'était horrible parce que c'est. En plus, la série était très courte. Enfin, le dessin animé en lui-même durait 5 minutes. C'est-à-dire que tu avais une minute de générique, 5 minutes de dessin animé et encore du générique qui reprenait la chanson du début. Et en fait, je pense que c'était plus un troll de la part des diffuseurs qui voulaient te mettre cette chanson idiote dans la tête, qui y arrivait très bien parce que moi, je sais que j'avais le malheur de regarder Bumbo. Tout l'après-midi, c'était foutu, quoi. J'avais Bumbo, petite automobile dans la tronche. C'est exactement ça, c'était une plaie. Petite automobile, ville, tu parais si fragile, Gilles, sous ton drôle de capot, boubou, boumbo, boumbo, boumbo, tes deux amis fidèles, d'elle, se raccrochent à tes ailes, zèle, pour pas tomber de haut, boubou, boumbo, quand tu respires une fleur, ça fait boum boum dans ton cœur. Dans les autres génériques honteux, moi j'ai fait le choix de parler de la célèbre jeu vidéo qui a été adapté en... Je crois que c'est même la première adaptation de la jeu vidéo sur un quelconque support. Bah, c'est le premier personnage de jeu vidéo qui a eu cet impact en fait. Oui. Parce que c'était le premier personnage au final, tout simplement. On parle de Pac-Man, bien sûr. Bien sûr, donc 82 sur ABC aux États-Unis, en 84 dans Recreate de chez nous. Mmh. Le générique français est en fait une reprise du générique original, qui est pourtant uniquement musical. Oui. Qui a été composé par Ike Curtin. Donc, c'est un habitué des productions Hanna-Barbera qui produisait le dessin animé. On lui doit entre autres les musiques de Yogi Bear ou Alligator ou encore des Fous du Volant. Oh, c'était génial. C'était magnifique. J'adore. Et donc, sur cette version musicale, on retrouve encore une fois Jean-François Pori, alias Jean-Luc Azoulay. De A de AB. Voilà. Qui a décidé de poser des paroles sur ce générique. Ça se faisait beaucoup, je crois. Mais il se fait aider par quelqu'un. Eh oui. On se dit, Jean-François, si vous vous rappelez des paroles, hein, il est jaune comme un citron, rond comme un ballon, c'est Pac-Man, hein, c'est magnifique comme niveau de parole. Donc on se dit que Jean-François Pori... Autant pourrir la carrière de quelqu'un d'autre. Voilà. Dans la chanson. Et surtout pourrir la carrière d'un type qui s'appelle Michel Jourdan, qui est pourtant pas n'importe qui, parce qu'il a quand même écrit beaucoup de grands tubes. Donc Pauvre Diable de Johnny Hallyday, Qui saura de Mike Brandt, et puis alors là, on peut pas, en termes de tube, c'est quand même énorme. Encore le « Mon cœur, je te dis, je t'aime » de Frédéric François. Tout à fait. Donc d'un côté, le mec, il avait peut-être pas besoin d'Azoulay pour lui pourrir sa carrière. Et bien sûr, quitte à faire chanter un générique, autant prendre la personne la plus logique pour ça, l'étrangleur de la matinale, William Lémergie. Alors, faut savoir que William Lémergie, il me semble qu'il présentait le dessin animé Pac-Man. Oui, oui. À l'époque, il était aussi présentateur jeunesse. Oui, oui. Bah, il travaillait dans Richard 2 pendant une période. Ouais, tout à fait, ouais. Et c'est vrai que on en avait déjà parlé de ce générique dans une autre émission, celui des clips pas ultimes, parce que ça s'écoute, mais ça se regarde aussi, hein, ce clip. Ah oui. Un grand moment de fond vert, où on a dit à William Energy, tu danses devant un fond vert, t'occupe pas, on va mettre des images derrière. Et ils mettent des images du dessin animé qui sont même pas centrées, enfin c'est artistique, ouais. C'est de l'art. Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est les Pac-Man. Gentil petit bonhomme poursuivi par les fantômes, c'est les Pac-Man. Il court, il roule, il est malin. Il n'a peur de rien. Rond comme un soleil, il fait des bonds dans le ciel, c'est du Pac-Man. En quelques secondes, il peut faire le tour du monde, c'est du Pac-Man. Il est toujours de bonne humeur. Il a raison, ça porte bonheur. Faut faire attention, car voilà les boutons. Vite une Pac-Gomme, il dévore les fantômes. Grâce à son grand cœur, il sera toujours vainqueur. Vive Pac-Man! Et en termes d'art, tu voulais parler d'une dernière série, je crois. Oui, la dernière série qui nous plaît à tous les deux, hein. Oui. C'est Batman, tout simplement. Oui. Alors bien sûr, on est très hors sujet parce que la série est quand même sortie en 66. Hein, ouais, mais elle passée sur Canal dans les années 80 au début. Oui, non, mais tout à fait. Nous, on l'a découvert dans les années 80. Tout à fait. Je sais même pas si ça avait été traduit avant. Donc on parle bien sûr pas de générique de la série animée, hein, Danny Elfman, on respecte beaucoup, mais on parle de nanananananananana Batman. Et c'est un peu la honte parce que on adore, enfin tous les deux, hein, je pense que c'est mini collégial, on va dire, c'est petit collégial, mais c'est pour moi la vraie musique de Batman, quoi qu'il arrive, même si j'adore la version de Danny Elfman. Et puis les paroles sont tellement bien, quoi. Cette série, déjà, elle a le problème d'être à la fois autant détestée qu'adorée. Parce que beaucoup de monde, ouais, mais c'est pas vraiment Batman et compagnie. Et d'un côté, on en a tellement de bons souvenirs. Parce que, faut être honnête, c'était une série jeunesse. Mais vraiment, elle a été composée avec les codes de l'époque des séries jeunesse, donc des années 60. Donc c'est tout juste, en fait, Scooby-Doo avec Robin dans le rôle du chien. Tout à fait, ouais. Et puis, on parlait tout à l'heure de drogue et d'alcool. Mais là, c'est clairement une série qui a été écrite... avec un je m'en foutisme total. Voilà, quoi. Là, ils allaient très très loin dans le délire. Hein. On se rappellera du long métrage qui est dérivé de la série télé où. Encore une histoire de requin. Oui, où Batman tue un requin avec une bombe, c'est assez complexe. Un spray anti-requin qu'il a, comme de raison, dans son bat-hélicoptère. Oui, tout à fait. Tout le monde a ça. Et un requin en plastique, en plus. Ah bah bien sûr, qui lui mange la jambe, mais ça va. C'est Batman, quand même. Non, la série était très drôle, et ce générique est juste mythique, quoi. Pour moi, c'est une des plus belles références... musicales qui viennent d'une série télé, même si les paroles sont pas très très recherchées. Ouais. Mais même le petit rythme funky là, il est pas dégoûtant, quoi, il reste bien. Mmh. Batman, Batman, Après, pour à nos camarades de l'I-Team, on leur a demandé leur générique de la honte. Tout le monde a participé. Et on est marrant. Et le truc marrant, c'est qu'on est tous d'accord. Voilà, exactement. Sur le même. Et c'est ça. Vraiment, encore une fois, mes excuses pour ce morceau atroce. Ouais. Et puis ça allait avec un générique en espèce d'infini travelling avant, qui était d'un kitsch total. Santa Barbara, quoi. Personnellement, j'ai réussi à y échapper. J'étais pas obligé de le regarder par mes parents. D'accord, bon, bah vas-y. Parle-nous. Assieds-toi sur le divan et parle-nous. Il faut savoir que mon père travaillait régulièrement de nuit, donc à partir de 20h, donc on mangeait tôt chez moi. D'accord. Donc entre 6h30 et 7h. Et qu'est-ce qui se passait à cette heure-là? Bah, Santa Barbara. Hein. Voilà. C'était un gros truc, hein. C'était vraiment la série d'introduction de soirée. Enfin, c'était. C'était le Dallas du pauvre, soyons honnêtes. Je pourrais pas t'aider là-dessus. je ne sais pas ce qui se passe dans Santa Barbara. C'est en gros donc les querelles financières entre la famille Capwell et la famille Luckridge. D'accord, je me souvenais que Capwell est européen. On s'intéressait au destin de Cali Capwell et de son petit copain Tolar Joe. On s'intéressait à Aiden Capwell, donc la sœur de Kelly, qui elle est amoureuse d'un latino flic du nom de Cruz Castillo. D'accord. Et c'était que des trucs comme ça, quoi. C'était trame sur trame sur trame sur trame. Il y avait un petit côté série mexicaine, peut-être, non? Non, c'était vraiment du pur soap, comme c'est on pouvait avoir avec. Il n'y avait pas le côté. Ouais. Non, c'est vraiment comme on pouvait avoir avec Côte Ouest, avec Dallas, avec Dynasty, Amour, Gloire et Beauté, voilà, tous ces grands titres. Il faut savoir que donc Santa Barbara était diffusée à partir de 1984 sur NBC et ça arrivait sur TF1 en 1985. Et aux États-Unis, les épisodes faisaient 42 minutes. Nous, on avait des épisodes. Tu peux survivre à 42 minutes. Bah, en fait, c'est ce que se sont posés les diffuseurs parce qu'ils ne diffusaient que 26 minutes. Ils découpaient les épisodes en deux. Mais très bonne idée. Oui, mais le truc, faut savoir quand même qu'ils nous ont passé ça pendant 10 ans. Et même comme ça, il reste 987 épisodes qui n'ont jamais été diffusés en France. Ouais. Non, mais de toute façon, toutes ces séries-là, la série la plus longue du monde, c'est un soap comme ça qui dure depuis les années 50. Un épisode par jour, quoi. C'est incroyable, c'est machin. Déjà, tu as Les Feux de l'amour qui dure depuis plus de 30 ans, il me semble. C'est assez violent, quand même. Donc, ce générique magistral. Dans toute sa kitschitude typiquement française, parce que faut savoir que ça faisait très Didier Barbelivien, quoi. Complètement, hein, mais faut savoir en fait que le générique américain était juste musical, il n'y avait pas vraiment de paroles. Et donc là, pour ça, donc on a quand même un générique chanté par Gilles Sinclair qui, forcément, avec un début de carrière comme ça, a arrêté sa carrière. En même temps, c'est un style, à mon avis, ça plaisait à pas mal de gens à l'époque. Bah, c'était l'époque où à toutes les filles que j'ai aimées avant. Voilà, exactement. Hein. Ouais. Mais on est dans le même délire. Ça, oui, totalement. Je trouvais déjà à toutes les filles insupportable, alors ça, forcément. Surtout que tu devais te le taper tous les jours. Ah, c'était horrible, mais horrible. Mais c'est bien. Je suis content de voir que tous les copains de la A-Team étaient d'accord avec moi, sauf Whis, qui lui n'a honte de rien. Oui, non, mais ouais, mais. Mais c'est on ne peut plus rien pour lui. D'ailleurs, j'ai le nom de la série la plus longue de l'histoire, c'est Haine et Passion, hein, 15 762 épisodes, 56 saisons depuis 1952, mais ça s'est arrêté. Donc, une autre série peut arriver, genre, Plus belle la vie, et lui éclater la face. On ne le souhaite à personne. Non, pas à nous en tout cas. Un dernier mot à dire. Oh bah les génériques de série c'était mieux avant. Et tu veux finir sur un thème particulier ou il y a une chanson que tu aimerais finir, celle de Batman par exemple? Allez, on se termine sur la série sur Batman. J'espère qu'on pourrait faire une version karaoké, ce serait pas mal. Bonne soirée les amis, bonne écoute et puis à bientôt. À bientôt, au revoir. Thank you. Starsky et Hutch, Starsky et Hutch, des nouveaux chevaliers au grand cœur, mais qui n'ont jamais peur de rien. Starsky et Hutch, Starsky et Hutch, deux flics un peu rêveurs et rieurs, mais qui gagnent toujours à la fin. Quand les bandits sont tous en cavale, en voiture ces poursuites infernales, mais Huggy sait où ils sont cachés pour les arrêter.